Manière de prononcer. Pour un nouveau débarqué, qui, par auteur, ne faisait jamais de questions, Julien ne tomba pas dans de trop grandes sottises. Un jour, poussé dans un café de la rue Saint-Honoré par une averse soudaine, un grand homme en redingote de castorine, étonné de son regard sombre, le regarda à son tour, absolument comme jadis à Besançon, l'amant de Mademoiselle Amanda. Julien s'était reproché trop souvent d'avoir laissé passer cette première insulte pour souffrir ce regard. Il en demanda l'explication. L'homme en redingote lui adressa aussitôt les plus sales injures. Il fut sage et se borna à répéter à son homme de minute en minute « Monsieur, votre adresse, je vous méprise. » La constance avec laquelle il s'attachait à ces six mots finit par frapper la foule. « Dame, il faut que l'autre qui parle tout seul lui donne son adresse. » L'homme à la redingote, entendant cette décision souvent répétée, jeta au nez de Julien 5 ou 6 cartes. Julien se trouva baigné de sueur. Ainsi, il est au pouvoir du dernier des hommes de m'émouvoir à ce point, se disait-il avec rage. Comment tuer cette sensibilité si humiliante? Où prendre un témoin? Il n'avait pas d'amis. Enfin, il eut l'idée de chercher un ancien lieutenant du 96e nommé Liévin, pauvre diable avec qui il faisait souvent des armes. Julien fut sincère avec lui. « Je veux bien être votre témoin, dit Liévin, mais à une condition. Si vous ne blessez pas votre homme, vous vous battrez avec moi séance tenante. » « Convenu, dit Julien enchanté, et ils allèrent chercher M. de Beauvoisis à l'adresse indiquée par ses billets au fond du faubourg Saint-Germain. Il était 7 heures du matin. Julien avait remis à un grand valet de chambre une des cartes jetées la veille et une des siennes. On le fit attendre, lui et son témoin, 3 grands quarts d'heure. Enfin, ils furent introduits dans un appartement admirable d'élégance. Ils trouvèrent un grand jeune homme, mis comme une poupée. Ses traits offraient la perfection et l'insignifiance de la beauté grecque. Julien avait l'intention d'être insolent, mais il aurait bien voulu en même temps être de bon ton. Il fut si frappé de la douceur des manières de M. de Beauvoisis, de son air à la fois compassé, important et content de soi, de l'élégance admirable de ce qui l'entourait, qu'il perdit en un clin d'œil toute idée d'être insolent. Ce n'était pas son homme de la veille. Il présenta une des cartes qu'on lui avait jetées. « C'est mon nom, » dit l'homme à la mode, auquel l'habit noir de Julien, dès 7 heures du matin, inspirait assez peu de considération. « Mais je ne comprends pas, d'honneur. » La manière de prononcer ces derniers mots rendit à Julien une partie de son humeur. « Je viens pour me battre avec vous, monsieur. » Et il expliqua d'un trait toute l'affaire. Dès qu'il se fut donné cette explication, il revint à une politesse parfaite et presque d'égal à égal envers Julien. Le colloque fut assez long, l'affaire était délicate, mais enfin Julien ne put se refuser à l'évidence. Il admirait sa gravité mêlée d'une certaine fatuité modeste, mais qui ne l'abandonnait pas un seul instant. Il était étonné de sa manière singulière de remuer la langue en prononçant les mots. Mais enfin, dans tout cela, il n'y avait pas la plus petite raison de lui chercher querelle. Julien sortait de fort mauvaise humeur. La voiture du chevalier de Beauvoisis l'attendait dans la cour, devant le perron. Par hasard, Julien leva les yeux et reconnut son homme de la veille dans le cocher. Le voir, le tirer par sa grande jaquette, le faire tomber de son siège et l'accabler de coups de cravache ne fut que l'affaire d'un instant. Deux laquais voulurent défendre leur camarade. Julien reçut des coups de poing. Au même instant, il arma un de ses petits pistolets et le tira sur eux. Ils prirent la fuite. Tout cela fut l'affaire d'une minute. Le chevalier de Beauvoisis descendait l'escalier avec la gravité la plus plaisante, répétant avec sa prononciation de grand seigneur « Qu'est-ce ça ? Qu'est-ce ça ?» Le lieutenant du 96e comprit que M. de Beauvoisis avait envie de se battre. Il voulut diplomatiquement aussi conserver à son ami les avantages de l'initiative. « Pour le coup, s'écria-t-il, il y a là matière de duel. »« Je le croirais assez, » reprit le diplomate. « Je chasse ce coquin, » dit-il à ses laquais. « Qu'un autre monte. » On on ouvrit la portière de la voiture. Le chevalier voulut absolument en faire les honneurs à Julien et à son témoin. On alla chercher un ami de M. de Beauvoisis qui indiqua une place tranquille. La conversation, en allant, fut vraiment bien. Il n'y avait de singulier que le diplomate en robe de chambre. « Ces messieurs, quoique très nobles, pensa Julien, ne sont point ennuyeux comme les personnes qui viennent dîner chez M. de la Mole. Et je vois pourquoi, ajouta-t-il un instant après, ils se permettent d'être indécents. » Une chose étonna infiniment Julien. Un reposoir que l'on construisait au milieu de la rue pour la procession de la fête Dieu arrêta un instant la voiture. Ces messieurs se permirent plusieurs plaisanteries. Le curé, suivant eux, était fils d'un archevêque. Jamais chez le marquis de la Mole, qui voulait être duc, on n'eût osé prononcer un tel mot. Le duel fut fini en un instant. Julien eut une balle dans le bras. On le lui serra avec des mouchoirs, on les mouilla avec de l'eau-de-vie, et le chevalier de Beauvoisis pria Julien très poliment de lui permettre de le reconduire chez lui, dans la même voiture qu'il avait amenée. Quand Julien indiqua l'hôtel de la Mole, il y eut échange de regards entre le jeune diplomate et son ami. « Mon Dieu, un duel, n'est-ce que ça ?» pensait Julien. « Que je suis heureux d'avoir retrouvé ce cocher. Quel serait mon malheur si j'avais dû supporter encore cette injure dans un café ?» La conversation amusante n'avait presque pas été interrompue. « L'ennui n'est donc point inhérent, se disait-il, à une conversation entre gens de haute naissance. » Il ne leur manque absolument que le raisonnement sur la chose politique, et ce manque-là est plus compensé par la grâce de leur ton et la parfaite justesse de leurs expressions. À peine se fut-on quitté que le chevalier de Beauvoisis courut aux informations. Elles ne furent pas brillantes. Il était fort curieux de connaître son homme. Pouvait-il décemment lui faire une visite? Le peu de renseignements qu'il put obtenir n'était pas d'une nature encourageante. Tout cela est affreux, dit-il à son témoin. Il est impossible que j'avoue m'être battu avec un simple secrétaire de M. de la Mole. Le soir même, le chevalier de Beauvoisis et son ami dirent partout que ce M. Sorel, d'ailleurs un jeune homme parfait, était fils naturel d'un ami intime du marquis de la Mole. Ce fait passa sans difficulté. Une fois qu'il fut établi, le jeune diplomate et son ami daignèrent faire quelques visites à Julien. Julien leur avoua qu'il n'était allé qu'une fois en sa vie à l'opéra. « Cela est épouvantable, lui dit-on. On ne va que là. » À l'opéra, le chevalier de Beauvoisis le présenta au fameux chanteur Géronimo, qui avait alors un immense succès. Julien faisait presque la cour au chevalier. On le voyait à l'opéra avec le chevalier de Beauvoisis. Cette liaison fit prononcer son nom. « Eh bien ?» lui dit un jour M. de la Mole. « Vous voilà donc le fils naturel d'un riche gentilhomme de Franche-Comté, mon ami intime ?» Le marquis coupa la parole à Julien qui voulait protester. « Monsieur de Beauvoisis n'a pas voulu s'être battu contre le fils d'un charpentier. »« Je le sais, » dit M. de la Mole. « C'est à moi, maintenant, de donner de la consistance à ce récit, qui me convient. Mais j'ai une grâce à vous demander, et qui ne vous coûtera qu'une petite demi-heure de votre temps. » Tous les jours d'opéra, à 11h30, allez assister dans le vestibule à la sortie du Beau Monde. Passez au bureau de location pour vous faire reconnaître. On vous a donné les entrées.